et qu'il est le maître des temps et des circonstances. Qu'importe ce que tu traverses maintenant, oh oui, nous sommes appelés à souffrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à traverser des moments difficiles. Et qu'importe, en son temps, il va nous délivrer. Et qu'importe, en son temps, il va nous visiter. Et qu'importe, en son temps, oh oui, nous allons proclamer la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Oh, chantons gloire, gloire! Disons gloire, gloire! Gloire à l'agneau! Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Dans le monde entier, Jésus est souverain. Dans ta vie, Jésus est souverain. Dans les difficultés, Jésus souverain. Dans nos pensées, Jésus est souverain. Dans ta situation, Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Dans ce ministère, Jésus souverain. Dans les persécutions, Jésus est souverain. Dans la pauvreté, Jésus est souverain. Dans la maladie, Jésus est souverain. Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Même dans ses rejets, Jésus est souverain. Tu es calomnié, Jésus est souverain. Tu es maltraité, Jésus est souverain. tu n'enfantes pas. Jésus est souverain. Même dans le chômage, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Seigneur, tu es souverain parce que c'est toi qui contrôles le temps et les circonstances. Alléluia. Très souvent, les difficultés, Seigneur, sont sous les poids, sont les poids de chacune des vies au point où on ne croit même pas que tu existes. Alléluia. Mais tu es le Dieu qui est derrière toute difficulté. Amen. Tu es le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Amen. Seigneur, tu as destiné chaque chose à son temps dans la vie. Amen. Je prie, Père, que tu mettes ces pensées dans le cœur de tes enfants afin qu'ils ne murmurent point, mais qu'ils se déchargent sur toi de tous leurs soucis parce que tu prends soin de nous. Dans les difficultés, Seigneur, tu parles. Dans nos vies, Seigneur, quand bien même nous ne voyons pas ta main, tu es à l'œuvre. Qu'ils comprennent que dans les difficultés, tu es dans les problèmes, tu es dans ces problèmes-là, amen. Tu es dans les solutions et tu te feras un chemin. Dans même nos pensées, Jésus est souverain. Dans ta famille, Jésus est souverain. Même dans tes projets, Jésus est souverain. Ma soeur, mon frère, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu traverses, alléluia. C'est une école pour apprendre la vie de Dieu. Amen. C'est une école au travers de laquelle Dieu te fait passer pour faire comprendre ses voies à lui. Amen. Parce que l'école de la souffrance, c'est l'école où on graduit dans la sainteté. C'est pour nous faire grandir en lui afin que nous participions à sa sainteté. Quel est ton problème? Manques-tu souvent de l'argent pour manger? Manques-tu de l'amour? Jésus-Christ est amour. Manques-tu des choses, des moyens de subsistance? Dieu est notre pourvoyeur. Manques-tu des moyens de subsistance, des moyens de marcher? Jésus-Christ est le chemin. Est-ce que tu es trompé, abandonné par des hommes? Il est la vérité. Alléluia. Il ne trompe jamais, il ne alléluia. Manque jamais. Il est un Dieu qui ne manque jamais dans alléluia. La détresse. Mais peux-tu lui faire confiance? Alléluia. Peux-tu lui faire confiance chaque fois, quel qu'en soit ce que tu vas faire? Il faut le remercier. Remercie-le dans toutes les situations dans lesquelles alléluia. Tu traverses. Parce que chacune de ces situations, c'est pour marquer son empreinte dans ta vie. Remercie-le. Remercie-le. Je te remercie, cher Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Ta tendresse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci. Oh, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuve. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Cher Seigneur, je te remercie pour toute difficulté, car par le moyen j'ai appris à courber ma volonté. La joie tu répands dans mon cœur et tout me devient si cher. Et tout me devient si cher. Merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Ma vie est toute entre tes mains. Seigneur, je te remercie. Tu fais que tout concourt au bien